C'est bizarre là. Thank you. mesdames et messieurs, monsieur Tom Whale. Écoutez bien alors, c'est parti. Thank you. Thank you. Thank you.